Job chapitre 21. Mais Job répondit, et dit, écoutez attentivement mon discours, et cela me tiendra lieu de consolation de votre part. Supportez-moi, et je parlerai, et après que j'aurai parlé, moquez-vous. Pour moi, mon discours s'adresse-t-il à un homme? Si cela était, comment mon esprit ne défaudrait-il pas? Regardez-moi, et soyez étonnés, et mettez la main sur la bouche. Quand je pense à mon état, j'en suis tout étonné, et un tremblement saisit ma chair. Pourquoi les méchants vivent-ils et vieillissent-ils, et même pourquoi sont-ils les plus puissants? Leur race se maintient en leur présence avec eux, et leurs rejetons s'élèvent devant leurs yeux. Leurs maisons jouissent de la paix, loin de la frayeur, la verge de Dieu n'est point sur eux. Leur vache conçoit, et n'y manque point, leur jeune vache vèle, et n'avorte point. Ils font sortir devant eux leurs petits, comme un troupeau de brebis, et leurs enfants sautent. Ils sautent au son du tambour et de la charpée, et se réjouissent au son des orgues. Ils passent leur jour dans les plaisirs, et en un moment ils descendent au sépulcre. Cependant ils ont dit au Dieu fort, retire-toi de nous, car nous ne voulons point connaître tes voies. Qui est le Tout-Puissant, que nous le servions, et quel bien nous reviendra-t-il de l'avoir invoqué? Voilà, leur bien n'est pas en leur puissance. Que le conseil des méchants soit loin de moi. Aussi combien de fois arrive-t-il, que la lampe des méchants est éteinte, et que l'orage vient sur eux, Dieu leur distribuera leur portion en sa colère. Ils seront comme la paille exposée au vent, et comme la balle qui est enlevée par le tourbillon. Dieu réservera aux enfants du méchant, la punition de ses violences, il la leur rendra, et il le saura. Ses yeux verront sa ruine, et il boira le calice de la colère du Tout-Puissant. Et quel plaisir aura-t-il en sa maison, laquelle il laisse après soi, puisque le nombre de ses mois aura été retranché? Enseignerait-on la science Dieu fort, à lui qui juge ceux qui sont élevés? L'un meurt dans toute sa vigueur, tranquille et en repos. Ses vaisseaux sont remplis de lait, et ses os sont abreuvés de moelle. Et l'autre meurt dans l'amertume de son âme, et n'ayant jamais fait bonne chair. Et néanmoins ils sont couchés également dans la poudre, et les vers les couvrent. Voilà, je connais vos pensées, et les jugements que vous formez contre moi. Car vous dites, où est la maison de cet homme si puissant, et où est la tente dans laquelle les méchants demeuraient? Ne vous êtes-vous jamais informé des voyageurs, et n'avez-vous pas appris par les rapports qu'ils vous ont faits? Que le méchant est réservé pour le jour de la ruine, pour le jour que les fureurs sont envoyées, mais qui le reprendra en face de sa conduite? Et qui lui rendra le mal qu'il a fait? Il sera néanmoins porté au sépulcre, et il demeurera dans le tombeau. Les modes des vallées lui sont douces, et tout le monde s'en va à la file après lui, et devant lui il y a des gens sans nombre. Comment donc me donnez-vous des consolations vaines, puisqu'il y a toujours de la prévarication dans vos réponses?